allons-y tout de suite en suivant les péripéties, les palpitantes péripéties de notre ami JP. Mmh. Lui qu'on a d'habitude aux deux semaines. Et là, ben, Carlin, deux fois de suite parce qu'il est tellement actif, ce gars-là. Tout occupé. Oui. C'est JP. Les péripéties de JP, épisode 8. Insatisfait de l'accueil mitigé de ses histoires pas de punch, JP réoriente sa carrière. C'était JP lors de sa première prestation de mime. Ah, le public en délire, hein? Ah, quelle réorientation de carrière! Ben pourtant, c'est pas si loin que ça. Des fois, il est pas très présent à part de ses pieds. Ben sais-tu, en secondaire 4 ou 5, j'avais passé un test là, avec tous les cours là, au secondaire là, d'orientation. Ouais, ouais. Puis c'était dans les choix où j'aurais dû me diriger, moi, mime. Il y avait ça sur la liste? Ben oui, je dis, voyons donc, j'arrête pas de parler. Mais c'est un métier sans aucun futur. Qui est mime dans la vie? Connais-tu des mimes? Ben, Réal Bossé. Okay. Je sais qu'il a fait une formation de mime. Wow! Mais il est pas reconnu pour ça, non, là, non, on non, s'entend, non. Là. Tu sais, c'est pas Réal Bossé le mime. C'est Réal Bossé... Les belles fesses. Ah, ouais. Ben, je sais pas. Je parlais pour toi, en fait. T'aimes bien Réal Bossé, on va se le dire. On va se dire les vraies affaires. On va se dire les vraies affaires. On se niaisera pas, là. Hein? On va se dire les vraies affaires. C'est ça. Il y a deux belles bosses. Et... les menottes et toutes, les là. Back up! Back up! Ah, donc voilà pour les péripéties de JP. C'était fabuleux, comme toujours. On retrouve ça aux deux semaines. Et j'ai déjà vraiment, vraiment, vraiment hâte d'entendre le prochain parce que je pense que c'est mon préféré. Oh! Si je me trompe pas de date, là, c'est soit le prochain ou l'autre après, mais je sais qu'un des deux là, est particulièrement bon, je trouve. Vraiment. Là. Ben là, on j'ai va hâte. Péter les scores, j'aurais envie de les jouer tous aujourd'hui parce que j'en ai comme fait trois d'avance. Non, non, c'est des backups pour nous aider quand on n'a pas le temps. Backup, Beroff.